Derrière chaque volet clos, dilué dans chaque grain de l'ombre, elle glisse en vapeur silencieuse, sournoise, elle fera de nos choix une illusion de nos âmes. Elle détruira comme elle vient, d'enfanter dans l'espace, la mer et le vent, l'or, la sève et le miel, la cerise et l'hiver, les cathédrales et l'ennui. C'est l'ennui, les forêts, les rivières, la poussière et la vie.